comme un tombeau sur les touches noires de ton piano. Paris sur scène, j'ai l'âme en peine. Pigalle la blanche pleure le dimanche. Prison béton, prison ballon. Maison d'arrêt vite oubliée. Maton qui tape dans les couloirs. La lune qui se cache, il est si tard. Prison de l'amour, prison de l'amour. Demain le jour, demain je sors. Derrière la grille, y'a du soleil. Y'a même une fille, je me fais la belle. Dehors, dedans, on est tous morts. Pour mettre Marseille, je t'aime encore. Fleurit la nuit, Nantes le jour. Milieu pourri, cellule sur cour. Prison de l'amour, prison de la mort. Demain le jour, demain je sors. Paname chagrin, matin blafard. Une pute qu'on aime sur le boulevard. Un peu de sang sur le bitume. Entre l'église et le bordel. Louise Buñuel tranche sous la lune. Un œil malin sans doute le tien. Adieu l'ami des mauvais jours. Demain je sors, adieu la cour. Cellule béton, barreau d'acier. Rêve de con dans la fumée. Chara est mort dans sa carrée. Chara est mort et oublié. Moi j'oublie pas qu'ils t'ont buté. Adieu l'ami qu'on a crevé. Rêve de singe pour policier. Pasteur Doucet pour les RG. Prison de l'amour, prison de la mort. Demain le jour, demain je sors. Prison de l'amour, prison de la mort. Demain le jour, demain je sors. Prison de l'amour, prison de la mort. Demain le jour, demain je sors. I am free. I am free. I am free.